les aiguilles nous font plier. On n'arrête pas le temps en renversant le sablier. On parle de nous au passé, le jour où l'horloge s'effondre. Chaque vie passée est un assemblage de secondes. Nos sourires prennent des rides, nos souvenirs la poussière. Le temps n'est jamais rigide, aujourd'hui deviendra hier. À force de se précipiter, on fait les choses à moitié. Ma vie une construction qui semble tous les jours en chantier. Loin de ma famille, j'écris ce texte au studio. Mes pensées s'éparpillent, je vois grandir mes gosses en photo. J'ai tant de projets en attente, mais ma mort est latente. J'ai peur de m'en aller sans avoir profité de leur présence. J'ai besoin de prendre le temps, d'avancer en m'arrêtant. Respirer, laisser le temps à l'amour de m'inspirer. Prends le temps, dis-le, deviens le pleinement. Ni trop vite, ni trop lent. Portables de mails, tout pour gagner du temps. Mais même écrire un texto nous paraît éreintant. Depuis les réseaux sociaux, on est encore plus distant. On a beau avoir Facebook, on n'est pas moins seul pour autant. LOL remplace un sourire, MDR un fou rire. Pourtant, on a tout pour être ensemble, mais on ne s'aime qu'à mi-temps. Je pense aux frères incarcérés qui comptent le temps. Ils savent combien il est important. Le temps ce n'est pas de l'argent, mais de l'or. L'aboutissement de tous nos instants, c'est la mort. Mieux vaut être constant que d'aller trop vite. N'a pas profité de l'instant qui se précipite. Un ciel étoilé, un coucher de soleil. Prends le temps de contempler avant ton dernier sommeil. Ne cours plus, pose-toi, vois-tu. Pour s'aimer à trois, on attend neuf mois. Dis-le, deviens-le pleinement. Prends toujours le temps, saisis l'instant. Dis-le, moment, ni trop vite, ni trop lent. Doucement, prends toujours le temps. Je me retrouve seul et je ne sais plus comment. Du temps pour les autres, j'en avais jamais avant. Parfois je me demande ce que j'ai fait de mon passé. J'ai perdu du temps à vouloir trop en gagner. Me retrouve tout seul et je ne sais plus comment. Du temps pour les autres, j'en avais jamais avant. Parfois je me demande ce que j'ai fait de mon passé. J'ai perdu du temps, du temps, du temps. J'ai perdu du temps, du temps. J'ai perdu du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, du temps. J'ai perdu du temps, du temps. J'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps à trop vouloir en gagner. Je me demande ce que j'ai fait de mon passé. J'ai perdu du temps à trop vouloir en gagner.